Vous écoutez Rage et c'est l'heure d'Exocet, l'émission que les fantômes écoutent pour se faire peur. Ce soir dans Exocet, on vous a préparé une sélection des sons les plus étranges, les plus mystérieux et les plus effrayants que nous avons pu trouver. Alors, si vous êtes un habitué de l'émission, vous en reconnaîtrez sans doute quelques-uns. On a préparé des sons qui vont vous tourmenter l'âme et les oreilles. Exocet, vous entrez dans la face cachée du monde. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors on va démarrer avec un phénomène dont on a déjà parlé dans cette émission, mais à chaque fois qu'on l'évoque, il ne manque pas de faire frissonner les auditeurs. Je veux parler des radios de nombre. Alors les radios de nombre sont des radios à ondes courtes dont on ne connaît pas la provenance, et ce sont des radios qui diffusent des voix masculines, des voix féminines, parfois des voix d'enfants, qui énoncent des suites de chiffres, des suites de mots, des suites de lettres qui ressemblent à des codes. Et ces radios de nombre sont connues depuis la Première Guerre mondiale, depuis elles n'ont jamais cessé d'émettre, et on peut même dire qu'elles ont augmenté d'ailleurs depuis les années 90. Et on a quand même quelques indications sur la provenance de certaines de ces radios. L'explication la plus communément admise, c'est qu'elles sont utilisées par des espions pour envoyer des messages codés. On a pu le prouver au moins une fois en 1998 lors de l'arrestation d'espions cubains par le FBI. On pense aussi que les trafiquants de drogue s'en servent pour communiquer, mais la grande majorité des radios de nombre restent mystérieuses. Alors à force d'émettre, certaines sont même devenues célèbres dans les milieux initiés. On leur a même donné des noms comme English Woman, Swedish Melody ou Skylark. Et bien évidemment, ces radios de nombre qui, je le rappelle, sont émises dans des dizaines de langues, ont été récupérées par la pop culture. Alors, dans la musique d'abord, puisqu'on trouve pas mal de groupes qui ont intégré des samples de ces radios mystérieuses à leurs morceaux, notamment des groupes comme Porcupine Tree ou Boards of Canada. On retrouve également des références dans certains films et dans certaines séries, en particulier dans Lost, hein, pour citer l'exemple le plus récent, pour ceux qui connaissent la série. Donc dans Lost, il y a une radio qui émet en boucle, dans laquelle on peut écouter une série de chiffres. Et donc ces radios, leur particularité, si elles font frissonner quand on les écoute, c'est parce que donc les voix qu'on peut y écouter sont souvent très froides, très mécaniques, très fantomatiques. Et on va écouter à présent un extrait de la Number Station nommée Swedish Rhapsody, dont la voix d'enfant est particulièrement dérangeante. Ça dure 47 secondes. Six, Voilà, donc forcément, quand on écoute ça, on n'est pas tranquille. Hein. Imaginez que vous tombiez par hasard le soir en cherchant une station de radio sur une de ces radios de nombre, c'est assez refroidissant. Et je rappelle donc qu'on peut en écouter dans le monde entier. C'est des radios à ondes courtes et dans des dizaines de langues. Certaines sont devenues célèbres. Celle-ci est une des plus connues, avec cette voix d'enfant robotique. Alors il existe un CD, une compilation qui s'appelle The Connect Project, dans lequel on peut retrouver la majeure partie des radios de nombre du monde, et elles sont même écoutables gratuitement sur Internet. Donc voilà, la prochaine fois que vous écouterez ce type de choses, parce que ça peut arriver, on peut tomber dessus, vous saurez à peu près à quoi vous en tenir, même si en grande partie elles restent mystérieuses. Alors le deuxième son que j'ai sélectionné pour vous ce soir a été baptisé le son de l'enfer. Et derrière ce son, il y a une longue histoire, une légende basée sur un fait totalement réel. En 1962, des chercheurs de l'Union soviétique entament un projet de forage sans précédent pour atteindre la zone brûlante et méconnue qui se trouve entre la croûte et le manteau terrestre. Cet endroit est si profond que les Russes durent inventer de nouvelles façons de creuser. Mais malgré leurs efforts, qui durèrent plusieurs décennies, ils ne purent jamais atteindre leur but. Ce projet avait pour nom le gouffre super profond de Kola. Alors le projet fut mené en parallèle avec la course à l'espace, hein, qui était une période de compétition assez intense entre les États-Unis et les USA. On était en pleine guerre froide. Les Américains envisagèrent leur propre super forage qui devait creuser directement le sol de l'océan, mais les moyens ne furent pas suffisants. Alors de 62 à 65, les Russes cherchèrent le meilleur endroit pour creuser et ils choisirent la péninsule de Kola qui se trouve au nord-ouest de l'Union soviétique. Pendant 5 années supplémentaires, ils conçurent puis installèrent l'énorme système de forage. Il y a un certain nombre de puits parallèles qui ont été creusés à partir du gouffre central et le plus profond a été nommé SG3. Il s'enfonce à 12 km sous la croûte terrestre. La foreuse a creusé 24 ans pour atteindre cette profondeur, 24 années, et elle a été arrêtée en 1994 à seulement 2,5 km du but initial qui était de 15 km. Alors les Russes ont ramené de nombreux échantillons de minéraux ultra profonds et ils ont trouvé 24 espèces de micro-fossiles qui ont résisté à la chaleur et à la pression de manière incroyable. Mais un des points les plus intéressants du gouffre de Kola, c'est qu'il a engendré une légende très inquiétante. Alors cette histoire dit qu'après avoir creusé 12 km, les Russes sont tombés sur une poche d'air. Alors évidemment, intrigués par cette découverte, ils font descendre un micro résistant aux grandes chaleurs dans le trou, ainsi que d'autres dispositifs de captation. La température dans cette zone, toujours selon cette histoire, cette légende, était de 2000 degrés et les chercheurs purent entendre ce qui ressemblait à des hurlements de damnés. Alors des tabloïds américains ont commencé à propager cette histoire et des enregistrements de ce que les Russes avaient entendu circulèrent sur l'internet. On raconta même qu'une créature ailée s'était échappée du trou avant de disparaître dans le ciel russe. Et de nombreuses publications fondamentalistes chrétiennes relayèrent l'histoire comme une preuve de l'existence de l'enfer. Vous allez pouvoir écouter ce son qui a généré autant de légendes. Je vous préviens, c'est un petit peu dérangeant et c'est aussi un petit peu fort. C'est parti. Voilà, donc c'est vrai que si on imagine l'enfer peuplé de damnés qui hurlent, hein, ça se rapprocherait de ça, je pense. Donc imaginez la terreur de tous les fondamentalistes chrétiens qui ont entendu ce son, à qui on l'a présenté comme une preuve de l'existence de l'enfer. Hein, forcément, là, ça te coupe l'envie de pécher. Et pour terminer ma partie, le troisième son que je vous ai sélectionné, c'est pas le plus effrayant, loin de là, c'est même un son qui pourrait paraître totalement anodin, mais avec l'histoire qu'il y a derrière, il prend une toute autre ampleur. Ce son, c'est le bloop. Alors le bloop, c'est le nom qui a été donné à un bruit, un son d'ultra basse fréquence qui a été détecté par l'administration fédérale américaine des océans et de l'atmosphère. En 1997, durant l'été 97, l'origine de ce son, encore aujourd'hui, demeure inconnue. Alors, ce son a été localisé au large de la côte sud-ouest de l'Amérique du Sud. Il a été détecté par un réseau, le réseau hydrophone autonome de l'océan Pacifique équatorial. Et ce réseau hydrophone utilise un équipement qui était destiné à l'origine au repérage des sous-marins soviétiques. C'était un équipement développé par la Navy. Alors d'après la description du NOAA, donc l'administration américaine des océans, le son monte rapidement en fréquence sur environ une minute et à une amplitude suffisante pour être détecté par plusieurs senseurs sur une portée de plus de 5000 km. Alors, le son s'approche très très fortement du profil audio d'une créature vivante, mais il n'y a aucun animal connu qui pourrait avoir produit ce son. Si c'était un animal, il serait absolument gigantesque, plus grand que la baleine bleue, d'après les scientifiques donc, qui ont étudié le phénomène et qui ont écouté ce son. Alors, il n'y a aucune explication actuellement sur l'origine du bloop. Et en plus de ça, il n'a pas été entendu depuis 1997, donc ça demeure un mystère absolu. Certains pensent que le son aurait pu être émis par un énorme calmar géant, une nouvelle espèce de poisson ou de baleine, encore plus grande que la baleine bleue. Il est aussi possible que le son ait été produit par un grand nombre de créatures, donc qui auraient émis de manière synchronisée une seule vibration, même si ça semble peu probable. Alors évidemment, à Exocet, on préfère une autre hypothèse, qui est basée sur une coïncidence absolument hallucinante, le point d'origine du bloop, qui est très proche de Herlier, la ville fictive imaginée par H.P. Lovecraft dans sa nouvelle mythique qui s'appelle L'Appel de Cthulhu. Alors Cthulhu, dans la nouvelle Lovecraft, c'est un grand ancien, c'est une gigantesque créature monstrueuse enfermée dans la mythique cité de Herlier, que Lovecraft donc avait localisé très précisément à 47 degrés de latitude sud et 126 degrés de longitude ouest, ce qui correspond à peu de choses près à l'emplacement où a été capté le bloop. Alors de plus, les divinités de Lovecraft communiquait par des sons à ultra basse fréquence. Alors on peut vraiment se demander si le bloop n'est pas le véritable appel de Cthulhu. Ça, c'est une petite erreur. Vous voyez, les radios de nombre, elles s'infiltrent et puis je trouve ça assez flippant, hein, parce qu'on n'avait pas prévu. Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'écouter ce son? Je m'adresse à la régie, on n'est pas sûr. Mika? Oh, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Petit problème technique avec ce son-là. Alors, ce qui est assez mystérieux, c'est qu'on avait déjà parlé dans cette émission du bloop, on avait déjà essayé d'écouter le son, mais il n'était pas passé non plus. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment inquiétant. Alors, je précise aussi que J.J. Abrams, le créateur de Lost, dont on parlait tout à l'heure, vous le savez, est à l'origine du film Cloverfield. Et il se trouve qu'il aurait eu l'idée de ce film après avoir entendu parler de l'histoire du bloop, puisque donc dans le film Cloverfield, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il y a une créature absolument gigantesque qui est manifestement réveillée dans son sommeil millénaire, qui vient du plus profond de l'océan et qui vient ravager une ville. Donc à partir de ce son mystérieux, J.J. Abrams s'est dit, tiens, ça pourrait être marrant si on imaginait que la créature qui a produit le son tout à coup sortait de sous les océans et venait envahir la planète. Donc toujours pas, on pourra peut-être l'écouter plus tard. On l'écoutera plus tard ? Ok, très bien. On va marquer une première pause musicale dans ce cas-là, et juste après, une nouvelle session de bruits mystérieux, étranges et effrayants par Thomas. On entendra notamment des bruits d'exorcisme et des EVP, des enregistrements de voix de fantômes gravés sur bande magnétique. C'est Exocet, restez avec nous. I hurt myself. To see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Kill it all away, but I remember everything. Mm-hmm. stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I'm still. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Ce soir dans Exocet, on vous adressait une liste des sons les plus étranges, les plus mystérieux, les plus effrayants dans la première partie de l'émission. Vous avez pu écouter une radio de nombre, donc ces radios mystérieuses dont on ne connaît pas l'origine, qui sont composées de voix robotiques qui énoncent des chiffres, des lettres, des codes bizarres. On a écouté ensuite le bruit de l'enfer, qui aurait été donc enregistré selon la légende urbaine dans une crevasse creusée par les Russes. Et donc, on n'avait pas pu écouter le bloop à cause d'un petit souci technique, mais ça va être réparé là à présent. Donc le bloop, je le rappelle, c'est ce son sous-marin à ultra basse fréquence qui a été capté dans l'océan Pacifique et qui, s'il est émis par une créature animale, proviendrait d'une bête absolument gigantesque, beaucoup plus grosse encore que la baleine bleue. On ne sait pas d'où vient ce son, et depuis 1997 on ne l'a plus écouté, donc on va l'écouter. Alors je vous préviens, c'est pas très net, c'est pas très clair, mais sachez que ça a été capté à plusieurs milliers de kilomètres, et que donc si vous étiez un spécialiste, vous comprendriez à quel point donc c'est hallucinant. On va écouter ça. Voilà, donc ce bruit a été émis par un animal gigantesque qui serait donc au moins du calibre de la bête de Cloverfield, hein, pour ceux qui ont vu le film, et donc c'est le bloop notamment qui a inspiré, comme je vous le disais, J.J. Abrams, le créateur du film Cloverfield. Avec cette coïncidence extraordinaire, je la rappelle, hein, que le bloop a été enregistré dans la zone qui correspond exactement à la localisation de Herlihy, la ville fictive imaginée par l'auteur mythique H.P. Lovecraft pour sa nouvelle L'Appel de Cthulhu. Donc cette zone correspondrait à l'endroit où Cthulhu, ce démon gigantesque, vivrait sous les eaux. Donc ça fait une belle coïncidence qui rejoint la réalité. Et à présent, on va passer à des sons particulièrement effrayants, hein. Je vous vous préviens, on va monter en régime avec les sons de Thomas et on va démarrer tout de suite avec les fameux EVP. Alors les EVP, d'abord qu'est-ce que c'est ? Les EVP, c'est ces fameux enregistrements de voix fantomatiques, en tout cas qu'on pense être de fantômes et de spectres, ou en tout cas c'est ce que pensent être les amateurs de cette pseudo-science, puisque c'est devenu quasiment une pseudo-science. Il y a des tas de techniques qui ont été développées pour pouvoir enregistrer des EVP avec plus ou moins de succès. Vous cherchez sur internet, vous allez voir qu'il y a même des méthodes parfois pour essayer d'avoir les meilleurs EVP possibles. En attendant, les exemples, il y en a eu des tonnes. Alors moi, j'ai fait un petit tri là-dedans parce que entre ce que l'EVP qui est un sombre bruit et le mec dit « Vous voyez, on entend ça au fond » et l'EVP où effectivement on entend une voix d'outre-tombe qui fait flipper, il y a une marge. Et des exemples vraiment concrets comme ça, il y en a eu peu. Alors évidemment, ce sont les plus connus d'amateurs d'EVP, mais vous allez voir qu'effectivement, parfois c'est assez troublant, surtout quand c'est recoupé avec des témoignages de familles qui disent bien reconnaître la voix d'un de leurs parents ou qui disent avoir perdu un de leurs parents il n'y a pas longtemps et que les messages sont personnalisés. Parfois dans ces messages, il y a carrément le nom des gens qui sont cités, donc c'est vrai que ce côté-là est très inquiétant. Et juste EVP pour Electronic Voice Phenomenon. Exactement. Et donc ce phénomène d'enregistrement de voix, de mort sur bande magnétique existerait donc non seulement sur cassette, hein, mais également sur cassette vidéo, voilà. Pas seulement sur cassette audio. De toute façon, donc c'est des phénomènes qu'on peut capter grâce à divers supports d'enregistrement. Alors évidemment, les vidéos, c'est encore plus impressionnant, mais à la radio, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les deux se rejoignent, c'est-à-dire que lors d'une même séance d'enregistrement, on arrive à capter un son super clair, et notamment dans l'une des histoires, qui est une des histoires troublantes de ces EVP, des sons super clairs de gens qui parlent, hein, d'outre-tombe, et en même temps des images fantomatiques qui apparaissent sur les écrans. Après, reste à savoir si ces témoignages sont fiables, si c'est vrai, mais en tout cas, si les histoires qui sont derrière existent vraiment, c'est des phénomènes vraiment très très troublants. Et moi, je vous invite à écouter le premier son qui est extrait de ces EVP. Vous allez voir que ça fait des petits frissons dans le dos. Voilà, alors là, on reconnaît distinctement comme une voix humaine, on sent qu'il y a une fréquence vocale. Alors évidemment, comme pour beaucoup d'EVP, les choses s'interprètent. Donc pour les gens qui ont entendu ce son, il s'agit d'un de leurs parents, hein, leur oncle qui est mort il n'y a pas longtemps, et qui leur dirait « J'ai survécu, I've survived » en anglais. C'est vrai qu'une fois que vous avez le sens, ouais, du texte, on s'en rend plus compte des choses. Sur le deuxième son que vous allez entendre, c'est un vieux qui dit à sa veuve « I love you » qui serait mort 2 semaines avant que ce message soit enregistré. Ah voilà. Oui, donc, oui, celui-là, effectivement, c'est relativement troublant. Ce troisième EVP, c'est l'histoire de deux frères qui ont disparu. On a retrouvé le corps d'un des frères, en tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Le corps du second frère a juste disparu, on n'a jamais retrouvé le corps. La famille a pensé pendant longtemps que le deuxième était mort en même temps que son frère. Et apparemment, le témoignage donc, du frère mort d'outre-tombe contredirait la chose, puisque dans son message, il dirait « Braden's not dead », donc « Braden n'est pas mort ». Et vous allez voir que dans le son, on entend clairement ça. Voilà, donc si vous le tirez bien, on a bien ce « Braden's not dead ». Alors, le truc, c'est qu'effectivement, on peut se dire à l'écoute de ces bruits-là qu'on peut interpréter beaucoup de choses. Hein, et d'ailleurs, on peut interpréter beaucoup de choses, c'est sûr. D'ailleurs, on comprend ce qui a été dit a posteriori, une fois qu'on nous a dit ce qu'on était censé entendre. Mais, logiquement, si on laisse tourner une bande magnétique dans le vide, il n'y a juste rien du tout sur la bande. Voilà. Or là, il y a des trucs. Il y a des saillies comme ça. Il y a des saillies, on reconnaît quand même une fréquence vocale. On sent que c'est limite humain ce qui parle derrière. Hein. C'est pas juste un bruit parasite. Donc c'est vrai que c'est ça qui est troublant. Cet extrait-là, c'est un papa qui dit à sa famille « Nous sommes OK, enfin ici tout va bien, et on t'entend grand-mère de là où nous sommes. » Et donc c'est en anglais « We are OK, we are you, mommy. » Et vous allez voir aussi que c'est assez troublant. Joey, it's mommy. Donc voilà. Évidemment, la première personne, c'est pas un EVP, c'est quelqu'un qui parle avec cet EVP, ouais, et donc qui a une réaction vocale sur bande magnétique. Donc autour d'elle, il n'y a absolument aucun son. Quand ils écoutent la bande, la femme pose la question et il y a ce son qui ressort sur la bande. Alors là, beaucoup d'appels de gens qui nous disent qu'ils ont déféqué, hein, à l'écoute de ce dernier son, puisque c'est vrai que les EVP, on sait à quel point c'est un point sensible. Hein. Il y a des gens qui craignent beaucoup ça. Et moi, le premier d'ailleurs, tout ce qui est sonore, d'une manière générale, ça me rend assez nerveux. Et là, c'est vrai que bon. Et par contre, on en a assez peu de Français. Hein, c'est un phénomène, c'est un phénomène qui est très répandu aux États-Unis. Voire quasiment pas. Alors, soit parce que les sons français ne sont pas disponibles et diffusés largement, et donc peut-être que des gens chez eux ont des sons d'EVP, c'est possible. De toute façon, le phénomène, je dirais, de mode EVP n'a pas vraiment beaucoup pris en France. Il y a peu de gens, quand même, qui sont adeptes de cette pratique-là. Alors que c'est vrai que des ressources en anglais, il y en a des tonnes. Si vous cherchez sur Google en anglais, vous allez trouver vraiment des tonnes de sites qui vont vous expliquer comment enregistrer les EVP, avec quel matériel, comment le faire avec votre téléphone mobile, votre ordinateur portable. Donc voilà, les ressources sont beaucoup plus riches en anglais à ce niveau-là. Il y a un film d'ailleurs, un film qui a été fait avec Michael Keaton, s'appelle White Noise, La Voix des Morts en français. Donc c'est dire si le phénomène est populaire, puisque donc un film et en a été tiré. Et il y a une association américaine qui s'appelle l'AAVEVP, qui est l'American Association nanana pour les EVP. donc il y a un site internet et qui est, lui, largement consulté. Les deux derniers EVP, on va les écouter les uns à la suite des autres. Dans le premier, vous devriez entendre un petit « Hi, Mom », qui est le cri d'un jeune garçon qui est mort dans un accident de voiture. Et dans le tout dernier, vous devriez entendre « Hi, Kalaya », qui est le nom de la nièce d'un homme qui est mort et donc qui parlerait à sa nièce. Tu dois dire « Hi, Mom ». Donc voilà, vous entendez le bébé qui crie, deuxième Hi Kalaya, donc ça serait un EVP enregistré sur bande directement. Non, c'est terrible, ça c'est terrible. Et c'est terrible. Ah ça, c'est très mauvais, on imagine la scène en plus, hein. on imagine le magnétophone posé sur la table et puis tout à coup, là, non, ça c'est mauvais. Ça. La mère qui dit au bébé, dis bonjour à ton oncle, machin. Ouais. Le bébé qui sourit à moitié, cette petite voix d'outre-tombe qui sort derrière, ouais. C'est assez impressionnant. Alors, dans les sons bizarres, il y en a d'autres qui sont aussi largement flippants. Ces sons, c'est tout simplement des sons d'exorcisme. Alors, des témoignages comme ça, il n'y en a pas beaucoup, parce que vous imaginez déjà que des exorcismes, il n'y en a pas des centaines de milliers. Des exorcismes enregistrés, c'est encore moins fréquent. Là, ce son, c'est un son d'un exorcisme qui s'est déroulé en Russie. Alors, vous comprenez rien à ce qui va être dit. De toute façon, c'est pas très grave. Ce qui fait flipper là-dedans, c'est la personne exorcisée qui crie à un point qui est à la limite du soutenable. Alors, moi, très honnêtement, en écoutant ce son-là, qui est censé être un vrai son, quelque chose qui s'est passé dans la réalité, je me suis dit, c'est pas possible, ça sort d'un film d'horreur, parce que franchement, on aurait enregistré l'exorciste, on serait arrivé à ce résultat-là, voire peut-être même, là, c'est encore plus flippant, parce que les sons sont d'un strident horrible. Alors, avant de le passer, hein, je préfère mettre en garde les auditeurs particulièrement nerveux ou cardiaques, hein, ou qui n'auraient pas envie d'être traumatisés pour la soirée, de se reculer de leur poste ou de couper le son, ne changez pas de station, mais en tout cas, voilà, soyez prévenus que c'est assez impressionnant. Donc, un son d'exorcisme en Russie, c'est parti. Voilà, donc ouais, effectivement, hein, c'est donc assez... Ce que vous entendez au fond, c'est pas censé être quelqu'un qui enregistre du son en plein Mistral, hein, c'est censé être dans une pièce fermée avec des prêtres russes autour de cette malheureuse ou ce malheureux, ça je ne sais pas. Et donc la personne exorcisée, c'est bien ce que vous entendez crier, ce son à moitié sourd de temps en temps et ultra aigu à d'autres, et donc, largement démoniaque. On entend le prêtre donc psalmodier répéter ses litanies, donc ça c'est le bruit de fond qu'on entend en permanence, courant, voilà. Puis, donc les hurlements. De temps en temps, temps en temps, la personne qui enregistre déplacer le micro aussi, hein, ça je pense que vous l'avez repéré, mais le gros, le lourd, cette espèce d'ambiance, et puis ces cris stridents qui sortent de temps en temps, et surtout particulièrement à la fin de l'extrait, là, bien c'est censé être la personne exorcisée. Là c'est vrai que moi personnellement, ça me dresse les poils sur le dos. C'est très impressionnant, et puis on est obligé de penser évidemment au film L'Exorciste, hein, qui lui-même s'inspire donc de la réalité, hein, d'exorcisme réel, particulièrement impressionnant. Voilà. Alors, Thomas, il y a un dernier sujet là qui concerne les. On va l'écouter après. On va marquer une pause musicale. Je pense qu'on va faire une petite pause musicale histoire que les gens digèrent un petit peu ce dernier petit son d'exorcisme. Mmh. Et puis ensuite, effectivement, on va écouter. Alors là, on va retomber un petit peu. Ça va être des chansons écoutées à l'envers. Et bon, je vous expliquerai toute l'histoire. Et vous allez voir qu'il y a certaines chansons qui sont assez soit amusantes à écouter, soit qui laissent assez pantoises. Ok, restez avec nous. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous écoutez toujours Exocet. Ce soir, l'émission est consacrée aux sons étranges, mystérieux, effrayant à souhait. Ceux qu'on vient d'écouter sont particulièrement impressionnants, on va dire. On a écouté donc le son d'un exorcisme en Russie avec des cris inhumains donc, qui provenaient de la personne exorcisée. Et juste avant, on avait pu écouter des EVP, donc des enregistrements sur bande magnétique, des enregistrements censés provenir de spectres, d'esprits, de fantômes. Alors il y en a certains qui sont assez impressionnants. Et à présent, donc, on va passer à quelque chose d'un peu plus léger, mais de tout aussi mystérieux. Il s'agit de chansons à l'envers. Oui, alors c'est un phénomène qui est pareil, surtout à la mode aux États-Unis, qui a été à la mode surtout à une époque où l'Église voulait absolument prouver que le rock'n'roll était satanique. Donc, quel meilleur moyen que de prendre un disque, enfin quel meilleur moyen, en tout cas ils avaient trouvé celui-là, que de prendre un disque, le diffuser à l'envers pour essayer de découvrir des messages cachés, messages sataniques. Alors, beaucoup d'artistes ont joué de ça, vous allez voir dans les extraits que certains ont carrément fait exprès et certains ont même réussi avec génie à faire des choses qui à l'endroit sont cohérentes et à l'envers donnent des choses assez surprenantes. Le premier extrait que je vais vous passer, c'est sans doute le cas le plus atypique de ces chansons à l'envers puisque c'est la chanson Stairway to Heaven qui est tout simplement quasiment dans son intégralité écoutable et audible à l'envers. Alors évidemment certains passages sont assez curieux. Donc là, le passage que je vais vous passer, ça va être un des plus longs. Je suis désolé pour ceux qui ont les plus petites connaissances en anglais, ils vont avoir du mal à comprendre cet extrait. Je vous rassure, ça dure quand même pas plus de 15 secondes. Je vous ai pris le meilleur extrait. Alors vous allez voir, vous allez entendre sur le premier extrait donc la chanson dans sa version originale, vous allez tous la reconnaître. Et en deuxième, eh bien, si vous comprenez l'anglais, vous allez voir qu'il parle clairement de Satan qui les amène sur le chemin de la débauche et de la tristesse. J'ai les paroles précises. Donc les paroles à l'envers, elles disent « Oh, here is my sweet Satan. » Voilà mon Satan. « The one whose little path would make me sad, whose power is Satan. I will give those with him 666. » There was a little soul shed where they made us suffer, sad Satan. Donc la dernière phrase, il y a une cabane à outils dans laquelle il nous amène et nous fait souffrir, triste Satan. Et vous allez voir, donc on va d'abord écouter la version originale. Donc là, tout de suite, l'extrait à l'envers, et vous allez voir que c'est extrêmement troublant. Donc voilà, alors quand en plus vous avez le texte sous les yeux, que vous pouvez retrouver, parce que c'est une chanson vraiment, c'est un cas très particulier, une chanson à l'envers, quand vous avez le texte sous les yeux et que vous l'écoutez donc à l'envers, vous apercevez que c'est absolument, c'est assez bluffant. La série dans l'extrait, donc même les moins anglophones ont pu au moins capter le 666, il y a le 666, Satan. Satan qui revient régulièrement, les phrases tool shed, enfin voilà, on sent que la structure est cohérente. Et alors ce qui est très étonnant avec cette chanson, c'est que ce n'est pas le seul extrait et que contrairement à la plupart des autres extraits, où ça va être 2-3 mots qui, pris isolés, peuvent être interprétés de façon différente. Là, c'est carrément tout un couplet qu'on a réussi à traduire complètement à l'envers, et ce qui est assez troublant. Alors, je vous le disais aussi, des artistes ont réussi à s'amuser de ces choses-là, et des artistes dont on pense pas forcément au début qu'ils auraient pu être capables de faire ça, ou en tout cas qu'ils auraient eu l'idée. La chanson que vous allez entendre, c'est une chanson très connue d'Eminem, My Name Is. Vous allez voir qu'à l'endroit, elle ressemble à la chanson My Name Is, et qu'en fait, si on a la bonne idée de la passer à l'envers, et ça a été calculé et fait exprès par Eminem, on entend clairement qu'en fait, il a fait une chanson sur son propre nom, enfin vous allez comprendre. Donc on écoute la version originale. Donc voilà, donc ça c'est le refrain original. Et à l'envers, vous allez voir qu'il a réussi à faire un petit jeu de mots. À l'envers, ça va dire It is Slim, it's Eminem, et ça va être répété en boucle comme ça. Yes, man. Donc c'est quand même plutôt bien foutu. Ah oui, là, c'est vrai que la coïncidence est quand même assez étonnante. Hein, C'est assez troublant. Alors, dans les autres coïncidences troublantes, il y a la chanson Another One Bites the Dust de Queen, qui, à l'endroit, donc, veut dire ce qu'elle veut dire, et à l'envers, on comprend très clairement Freddie Mercury en train de dire I love to smoke marijuana, qui en français veut tout simplement dire j'aime fumer de la marijuana. Alors là, je pense que ça tient purement du hasard, mais c'est aussi assez surprenant. Alors la version originale, d'abord... Voilà, et quand on va passer l'extrait à l'envers, vous allez voir, vous allez bien entendre I love to smoke marijuana. Donc la phrase d'ailleurs c'est plutôt It's fun to smoke marijuana plutôt que I like to smoke marijuana. Donc voilà, ça, un autre exemple assez bizarre. Alors il y en a eu d'autres, il y a eu Eagles aussi dans Hotel California. Donc dans la version originale, le texte est à peu près normal. À l'envers, vous devriez entendre Satan he hears this, he had me believe. Donc on va écouter la version originale que vous allez reconnaître. Et la version à l'envers, où donc vous allez entendre ce fameux « Satan, he hears me, he hears this, he had me believe ». Donc voilà, là, beaucoup plus tiré par les cheveux. Donc là, forcément, c'est des groupes qui n'ont pas fait exprès. Alors, c'est, la plupart de ces sons, ça provient donc d'intégristes religieux américains qui donc veulent absolument trouver des satans dans tout ce qui est à l'envers. Alors effectivement, quand on connaît la phrase, là, je pense que... Dans ce cas précis, je vous aurais pas donné la phrase, vous auriez même pas entendu le Satan, donc il y a juste un esprit à peu près malade qui arrive à le trouver. Mais quand on a la phrase sous les yeux, c'est assez impressionnant. Alors comme tu le dis, le rock dans les années 60-70 faisait l'objet d'une chasse aux sorcières, et pour se taper tous ces disques à l'envers, c'est vrai qu'on imagine... on n'imagine pas quelque chose d'autre qu'un esprit tordu vraiment pour aller chercher la petite bête et pour aller voir ce qui pourrait cadrer avec des incantations sataniques, puisque l'idée de la chanson passée à l'envers, c'est vraiment lié au satanisme, puisque dans le satanisme, on est dans la symbolique justement de l'inversion des symboles religieux. Donc tout ce qui est à l'envers, voilà, c'est satanique. Tout ce qui est hanté en fait. Voilà. Et quand on écoute tous ces sons-là, on peut se dire que c'est très symptomatique de la capacité de l'esprit humain à assembler finalement du chaos pour lui donner du sens. C'est valable aussi pour la vision, hein, puisque très souvent, voilà, dans certaines tâches, vous le savez, on en parle souvent ici, dans certaines tâches, certaines flaques, certains peuvent voir le visage du Christ, d'autres la Vierge. Donc ça fonctionne aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Si on veut voir quelque chose, si on veut entendre quelque chose au sein du chaos, au sein du brouhaha, on peut réussir à l'isoler. Mais c'est vrai que dans le cas de Stairway to Heaven, c'est particulièrement étonnant parce que c'est sur la longueur. C'est sur la longueur, donc c'est pour ça que c'est le cas particulier. Juste pour finir, là, un son qui a été fait exprès, donc c'est les Beatles qui, à mon avis, ont voulu jouer avec toutes les rumeurs qu'il y avait sur la mort de Paul. Donc on en a parlé aussi souvent dans cette émission, alors toutes les symboliques qu'ils ont pu mettre dans leurs pochettes de disques, etc. Donc là, vous allez entendre la version originale qui veut absolument rien dire, donc la preuve qu'ils ont bien voulu faire un truc à l'envers. Donc on écoute la version originale. Donc voilà, donc ça, on trouve ça sur le disque des Beatles, c'est absolument inintelligible, ça veut absolument rien dire du tout, mais quand on s'amuse à le passer à l'envers, vous allez voir ce que ça dit. Donc c'est Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him, qui en fait a été mis d'abord enregistré bizarrement, puis mis à l'envers. Et donc là, les Beatles, pour le coup, ont fait clairement exprès, se disant que quelqu'un allait bien s'amuser, puisque c'était la mode à l'époque, à mettre les disques à l'envers et relancer comme ça la polémique sur est-ce que Paul était mort ou pas. Alors c'est vrai que Paul is dead, c'est encore un tout autre sujet, hein, très vaste, puisque les fans des Beatles ont repéré des tas d'indices qui tendraient à montrer que Paul McCartney, en fait, serait un sosie, que l'original serait mort, donc il y a une quarantaine d'années. Et donc ils ont trouvé des tas d'indices, à la fois sur les pochettes et sur des passages mis à l'envers. Donc encore une fois, je pense que ça aussi c'est très représentatif de cette tendance qu'on a à capter des sons là où il n'y en a pas forcément. En tout cas, ça fait toujours son petit effet. On va marquer une dernière pause musicale et juste après, on passera aux insolites de la semaine. Restez avec nous. Et fin d'Exo 7. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est bien dommage hein, puisque vous avez raté une excellente émission sur les sons étranges, mystérieux, effrayants, mais que vous pouvez retrouver déjà d'une part en rediffusion dimanche soir à 22h et sur le blog d'Exo 7, exo7-rage.net. Donc tout n'est pas perdu. À présent, on va passer aux insolites de la semaine, ce qui s'est passé de plus fou dans le monde cette semaine, et on démarre avec un bébé miraculé, un bébé qui est né en Inde à Ahmedabad, une petite fille, un bébé fille donc, qui est tombée à travers les toilettes d'un train alors que sa maman venait juste de la mettre au monde. Alors ce qui s'est passé, c'est que la mère de l'enfant était en train de voyager avec des proches dans un train de nuit, et puis elle est allée aux toilettes. Et puis là, elle a dû sentir qu'il y avait un truc de bizarre, hein, puisqu'elle poussait de plus en plus fort, et finalement, elle a accouché au-dessus des toilettes, et le bébé est passé par la trappe des toilettes. Elle m'a toujours fait peur, cette trappe, moi. Bah, c'est la trappe qui s'ouvre et tu vois la voie en dessous, là. Il faut savoir qu'en Inde, donc, c'est vraiment un trou béant qui s'ouvre sur les rails. En France, c'était comme ça il y a pas longtemps. Hein. Et donc, le bébé est tombé sur les rails. Et on l'a retrouvé 2 heures plus tard, il a survécu. Donc évidemment la famille a tiré la sonnette d'arrêt d'urgence, hein, et puis donc on a fait des recherches, et donc le bébé a été trouvé. Il était presque à 2 heures de là, sur les rails, et donc encore une fois, la petite fille a survécu. Elle n'a pas encore de nom, cette petite fille, mais je crois sincèrement qu'ils pourront l'appeler Lara Croft, hein, celle-là. C'est clair, et une histoire qui, à mon avis, va faire polémique et va faire parler d'elle, puisque des chercheurs israéliens ont fait une annonce pour le moins surprenante. D'après leurs études et leur propre expérience personnelle, puisqu'ils apportent leur témoignage, Moïse aurait été complètement défoncé au psychotrope au moment où il a vu toutes ces manifestations sorties tout droit de Dieu, quoi. Voilà, le buisson ardent, les tables de la loi, la totale. Voilà, donc il aurait été complètement défoncé. Alors Pour appuyer cette thèse-là, tout simplement leur propre expérience, puisque la plupart des témoignages qui sont donc rapportés dans les livres saints, en fait, si on les analyse médicalement, ressemblent tout à fait à des symptômes de gens sous psychotropes, hein, et sous psychotropes lourds, type LSD. Par exemple, le fait de voir les sons, donc c'est quelque chose qui est décrit hein, dans les livres saints, ils arrivaient à voir les sons, et ça c'est une perception que seuls les gens normalement sous l'emprise de stupéfiants sont capables d'avoir, hein, les sons, c'est... Ça s'appelle la synesthésie, donc voilà. C'est vrai que c'est un phénomène, qui est induit par les psychotropes. Voilà, qui est normalement propre aux gens qui consomment des drogues. Et puis, la vérité historique aussi, d'après eux, à l'époque où Moïse vivait, les psychotropes n'étaient pas forcément vus d'un si mauvais œil que dans notre société moderne, c'était quelque chose qu'ils consommaient régulièrement, un petit peu comme dans les sociétés primitives aujourd'hui. Donc nous, évidemment, à ce niveau-là, on a évolué, les lois de la société ont changé, donc on a interdit ces psychotropes, mais c'est vrai que si on se rebase dans le contexte hein, de l'histoire, à cette époque-là, il n'y avait aucune raison que ça soit interdit, et à leur avis, et à l'avis de nombreux scientifiques, eh bien, c'était une habitude de consommer ces drogues, donc Moïse a certainement abusé un soir de ces substances avant de témoigner de toutes ces choses étonnantes. Alors, cette thèse n'engage évidemment que les chercheurs qui l'ont formulée, mais c'est vrai que dans la Bible, donc, on parle beaucoup d'acacia, et donc l'écorce d'acacia aurait des effets psychotropes comparables à l'ayahuasca utilisé par les chamans amazoniens, donc effectivement, la thèse est assez intéressante. On termine, Thomas, avec l'histoire d'un maire qui interdit formellement à ses habitants de mourir. Pour cause, il n'y a plus de place dans le cimetière, donc le seul moyen d'empêcher les gens de mourir, c'est un arrêté municipal. Alors je vous rassure tout de suite, ça se passe en France, ce qui est pour le moins étonnant. Ça ne nous rassure pas tellement. Non, en fait non, mais c'est pas le mot que je cherchais. Alors effectivement, on peut se dire que c'est étonnant, parce que justement, moi j'aurais pensé que c'était dans un pays un peu curieux que ce genre de loi aurait pu être votée. Ben non, c'est dans une ville pas loin de Bordeaux que cette décision a été prise. Donc le maire a pris un arrêté municipal, la raison est simple, il n'y a plus de place pour enterrer les morts, le cimetière est plein à ras-bord. Le maire lui-même a plus de 70 ans, donc il se sent directement concerné par son arrêté municipal, et pourtant il n'a pas eu d'autre choix, et grâce à cet arrêté municipal, les gens qui meurent sur sa commune, eh bien sont automatiquement enterrés dans une commune voisine, puisqu'il est interdit de mourir sur le seuil de la commune. Alors ce qui est rigolo, par contre, c'est qu'on risque une amende si on meurt sur la commune, puisque évidemment un arrêté municipal s'accompagne forcément de sanctions, et donc il y a une amende symbolique, mais donc si on meurt dans cette petite ville près de Bordeaux, eh bien on reçoit une amende par arrêté préfectoral. Alors c'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est déjà arrivé en France, c'est déjà arrivé en Italie, c'est absolument surréaliste, mais ça arrive, et donc le maire est très sérieux, hein. Il dit non, je rigole pas du tout. C'est très sérieux. Ça semble pas croyable, et en tout cas, on se demande si les gens se retiennent de mourir, tu vois. Non, je veux pas d'amende. Bon. Voilà, c'était Exocet, j'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle que vous la retrouverez en rediffusion dimanche à 22h, juste après sur Rage, c'est la récréation suivie de Rage part en live. Vous quittez la face cachée du monde, mais vous restez sur Rage. À la semaine prochaine. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.